France Inter, franceinter.com. Il aurait enfilé ses palmes et nagé vers le large. Et il serait mort, épuisé, noyé. Un suicide donc. Ainsi aurait disparu fin 1997 le journaliste Jean-Pascal Courreau qui, à Tahiti, signait ses articles JPK. Désillusion politique et amoureuse, l'affaire est dite, et jamais l'on ne retrouvera le corps de ce sportif de 37 ans. Mais des amis, des parents contestent rapidement cette thèse. Sa mère porte même plainte contre X pour enlèvement et séquestration. En fait, même s'il n'ose pas prononcer le mot, c'est à l'assassinat que pensent les amis de JPK. Le mobile, ou plutôt les mobiles, ils sont nombreux. Certes, il pourrait s'agir d'une affaire passionnelle. L'épouse de Courreau avait un amant et le couple battait de l'aile. Mais c'est la piste politique qui retient surtout l'attention. JPK était un adversaire résolu du système polynésien, fait de clientélisme et d'affairisme. Cela lui avait d'ailleurs valu d'être licencié du quotidien local dont il était le rédacteur en chef. Le journaliste avait ensuite rejoint Boris Léontief, leader d'un petit parti politique dont JPK avait pris en charge la communication. Pour autant, il n'avait pas abandonné l'investigation journalistique. Et d'ailleurs, peu de temps avant sa disparition, après avoir décortiqué une affaire immobilière, il venait de porter plainte pour ingérence contre le président de la Polynésie française, le tout-puissant Gaston Flosse. Mais il est vraisemblable que le journaliste devait posséder d'autres dossiers peut-être encore plus sensibles. C'est la conviction de M. X qui affirmait, la semaine passée, que l'après-midi précédant sa disparition, JPK avait été enlevé et interrogé par des membres du GIP, le groupe d'intervention de la Polynésie, une sorte de milice dépendant de la présidence du territoire. Insatisfait des réponses du journaliste, ces gros bras sont-ils revenus le soir même? Et que penser de l'étrange passivité de la justice dans cette affaire? Qu'avait découvert JPK? Monsieur X tente d'y voir plus clair et débouche sur des hypothèses assez dérangeantes. Oh, why can't I? upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't France Inter, rendez-vous avec X. En métropole, vous devez vous en souvenir, on a commencé à entendre parler du GIP, le groupement d'intervention de la Polynésie en 2005-2006. Ah oui, à cause du blocage du port de Papeete, hein, c'est ça ? En effet. Ouais. Alors, je vous rappelle brièvement, cet établissement public est issu au départ d'un organisme qui s'appelait la flottille administrative de la direction de l'équipement. C'est le monde d'hier plus. Hein. Alors, je vous explique. Au départ, cette flottille avait pour mission de venir en aide aux populations isolées des îles en cas de catastrophe naturelle. Les cyclones. Par exemple. Ouais, ouais. Mais le président de la Polynésie en fait peu à peu un instrument à sa dévotion. Une milice, quoi. On peut le dire, même ouais. Si Gaston Flosse a toujours récusé cette appellation. Presque 1000 hommes et du matériel moderne, bateaux, engins de travaux publics, appareils de transmission, etc. Une force considérable, alors. Surtout par rapport à la faible population de la Polynésie. Ouais, combien ? 250 000 habitants, à peu près. Et à Tahiti, du temps de Floss, il y avait plus de membres du GIP que de policiers et de gendarmes. Cependant, quand Floss a dû lâcher les rênes... Oui, battu par l'indépendantiste Oscar Tema. C'est ça. En 2004. Ouais. Le nouveau président a décidé assez rapidement de se débarrasser du GIP et de ses costauds, mais... Ceux-ci ne l'ont pas entendu de cette oreille et ils ont aussitôt commencé à manifester, à bloquer les routes, le port et à occuper des locaux administratifs. Enfin bon, je passe sur les détails, mais c'est à une vraie rébellion que Temaru a dû faire face. On a même vu à la télévision un directeur de l'équipement se faire frapper par l'un des gorilles du GIP. La conséquence, là ? Cet homme dont on va reparler sera condamné à quelques mois de prison avec sursis. Ouais. Et il continuera à parader sur le port. Et quand Temaru devra quitter le pouvoir, après avoir été battu lors du vote d'une motion de censure, les types du GIP vont réapparaître, alors même que leur structure a été officiellement dissoute par Temaru, après pas mal de tergiversations d'ailleurs. Ouais, Temaru a hésité, hein. Essentiellement parce qu'il avait peur du coup de force. Mais attendez, comment a-t-on pu en venir là ? Jusqu'à nouvel ordre, la Polynésie française, même autonome, est partie intégrante de la République, non ? Vous avez raison. Mais les dirigeants français, en dépit des sommes colossales versées chaque année à la Polynésie, se sont peu à peu désintéressés de ce territoire. Et de droite ou de gauche, ils ont laissé la bride sur le cou aux responsables locaux. Et donc permis toutes ces dérives. Et je ne vous ai pas encore tout dit. Au sein même de ce GIP, il a été créé une sorte de service de renseignement directement lié à la présidence, comme le GIP lui-même. Ouais, Gaston Flosse, par conséquent. Mais à quoi ça pouvait lui servir ? À surveiller ses opposants. Ce service d'études et de documentation, c'était son appellation officielle, est né en principe après les événements de 1995 où l'on avait assisté à Papeete à de véritables émeutes suite à la décision de Jacques Chirac de reprendre les essais nucléaires. Mais en réalité, c'est pratiquement dès son accession à la présidence que Floss met en place une cellule chargée de filer et d'écouter ses opposants et les syndicalistes. Dans la plus parfaite illégalité. Naturellement. Sous prétexte de faire du gardiennage, il rassemble donc quelques types qu'il charge d'opérations de renseignement. Et cette petite cellule ira grossissant. En décembre 1986, après la grève des dockers, ils seront déjà 10. Parallèlement, le président crée un service d'espionnage beaucoup plus professionnel. Et pour ce faire, il recrute chez d'anciens agents de la DGSE et aussi des militaires à la retraite. Leur chef est d'ailleurs un ex-adjudant-chef de la piscine. Ouais. Service de renseignement. Mmh. Et ils seront combien, alors ? Bon, écoutez, je ne connais pas le chiffre exact, mais l'effectif ne cessera de grandir. Tous ces hommes disposent du matériel d'écoute et d'interception des communications les plus performants. micro-émetteurs, magnétophones, caméscopes, lunettes infrarouges avaient été importés des États-Unis. Et c'est la présidence qui a payé? Bah, bien entendu. Donc, si j'ai bien compris, il existait deux services d'espionnage. Sans compter un petit escadron volant, comme disait Catherine de Médicis. C'est-à-dire? Bah, une poignée de jolies filles prêtes à coucher pour obtenir des informations intéressantes. Mais elles étaient aussi disponibles pour les filatures, par exemple. Écoutez, tout ça me paraît complètement extravagant. C'était quoi, de la paranoïa? Libre à vous de le penser. Enfin bon, compléter le tableau, je dois vous dire que trois chambres d'un hôtel de papeterie étaient réservées à l'année. Des chambres spécialement équipées avec des caméras et des micros. Ah oui, pour filmer les ébats de ces jolies filles avec leurs victimes. Bien sûr. Et je vous laisse imaginer l'utilisation qui pouvait être faite de ces documents scabreux. Chantage? Évidemment. J'ajoute que tous ces gens étaient grassement payés. Toujours sur le budget de la présidence. C'est certain. Ouais. Ça doit expliquer ce chiffre énorme que vous avez donné la semaine dernière à propos du budget de la présidence polynésienne sous Gaston Flosse. Hein. 29 millions d'euros, oui. Mmh. Et en dehors même de l'aspect moral de ces activités barbouzardes, on peut se poser la question de leur efficacité. Bah, c'est une autre question. L'espionnite est une maladie qui affecte particulièrement les hommes de pouvoir. D'accord, mais enfin, la Polynésie n'était quand même pas une république bananière, et au risque de me répéter là. Je pense que les lois françaises auraient dû s'y appliquer. En théorie, oui. Mais sur le terrain, il en allait tout autrement. Songez qu'un très haut magistrat exerçant en Polynésie a osé confier à un journaliste qui émettait des doutes sur l'impartialité de la justice. Moi, j'ai été nommé pour protéger Gaston. Ouais, Gaston Flosse, quoi. Et ça veut dire que Paris couvrait, comme on dit dans la police. Et ce n'est pas très étonnant. Flosse y avait de très puissants amis. À Paris. Et dans les services secrets. Enfin, je veux dire, les vrais services secrets, hein, ceux de l'État. On savait? C'était un secret de polichinelle. Et puis, je vous l'ai dit, des anciens agents ont été recrutés par ces officines parallèles. Et après tout, il y a pire que d'aller passer sa retraite sous les cocotiers, non? Je veux bien, mais enfin, il y avait aussi un représentant de l'État en Polynésie française. Un haut commissaire, oui. Mais généralement, ce fonctionnaire s'est bien gardé d'importuner celui qui était le vrai roi du territoire. Enfin, pour en terminer provisoirement avec le GIP, il faut dire que très intelligemment, Gaston Flosse en avait fait une entité entièrement dévouée à sa personne. C'était sa famille, une conception très importante pour les Polynésiens et qui faisait écho à l'ancienne existence des communautés. Et Flosse, qui aimait à réunir les membres du GIP, les appelait affectueusement ses légionnaires. Donc c'était un groupe très soudé. Ah oui, très soudé, comme vous dites. Alors revenons maintenant à l'affaire Courreau. Je vous l'ai dit très tôt, la mère de JPK porte plainte contre X. Ouais. Et donc une enquête. Certes. Sur commission rogatoire, les gendarmes entendent tous les proches du journaliste. Mais la justice se hâte lentement. Et finalement, en 2002, c'est un non-lieu qui est prononcé par le juge d'instruction. Alors, on en reste donc à la thèse du suicide, c'est ça? À faute de mieux, oui. Mais peu à peu, le climat va changer en Polynésie, où de plus en plus de gens affichent leur ras-le-bol et demandent ouvertement le tawi, c'est-à-dire le changement. Et en 2002, un événement dramatique va ajouter à cette crispation des esprits. Quoi? La mort dans un mystérieux accident d'avion de Boris Léontiev. Oui, qui était l'ami politique de JPK. Hein, oui, ouais. Oui, cet accident paraît si suspect que la veuve de Léontiev n'hésite pas à faire le lien avec la disparition de JPK et demande à l'Assemblée territoriale de désigner une commission d'enquête. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Au début des années 2000, quelque chose est en effet en train de changer en Polynésie. Et l'enquête sur la disparition de Jean-Pascal Courreau va être relancée à la demande de sa famille. La gendarmerie va même décider de créer un groupe d'enquêteurs spécifiquement chargé de mener des investigations sur cette affaire. À cette occasion, les gendarmes s'intéressent au GIP. Et en 2005, ils rédigent le procès-verbal suivant, je cite. Les investigations entreprises dans le cadre de la procédure démontrent, à travers des auditions de témoins, l'existence d'une cellule d'espionnage installée dans les locaux du GIP, groupe d'intervention pour la Polynésie, quartier Faré-Outé, à Papeete. Cette cellule avait pour vocation de suivre, tant dans leur vie privée que dans leur vie publique, les opposants politiques, les amis et les familiers du président Gaston Flosse, en les enregistrant à l'aide d'un dictaphone, en les filmant ou les photographiant dans leur vie courante, et ce, de 1997 au mois de mai 2004. Pour ce faire, le président du territoire a procédé ou fait procéder au recrutement d'agents de renseignement d'origine militaire pour mettre en place au sein de son institution un service d'études et de documentation, SED, ainsi qu'une cellule d'espionnage. Le responsable de cette cellule était chargé de la formation et de l'attribution des missions à son personnel. Selon certains témoins, il arrivait au chef de cette cellule de féliciter au nom du président les personnels pour la qualité du travail accompli. À l'heure actuelle, en fonction des éléments détenus par le groupe d'enquêteurs sur les objectifs et les décideurs de la cellule, l'ouverture d'une information judiciaire est nécessaire tant pour qualifier pénalement les faits que pour identifier la totalité des victimes de ces filatures ainsi que les personnes ayant dirigé et ordonné ces surveillances. J'ai trouvé ce document, ce procès-verbal, dans un numéro de l'excellent mensuel Tahiti Pacifique. Disons-le tout de suite, le mystère de l'accident d'avion de Leontief ne sera jamais élucidé. Et sans doute faut-il penser en l'absence de tout élément prouvant un sabotage qui s'est vraiment agi d'un accident. Et voyez-vous, ce qui me permet de conclure ainsi, c'est que l'assassinat politique est étranger à la culture polynésienne. Oh, ce qui n'exclut pas l'utilisation de méthodes violentes. Ouais, quoi, des tabassages. Par exemple, ouais. Des intimidations musclées. Alors, dans l'affaire Corot, vous ne croyez pas non plus à l'assassinat ? Attendez, n'allez pas trop vite et ne mettez pas la charrue avant les bœufs. En 2004, mais il me semble que je vous en ai parlé la semaine passée, un certain VTA Guillou se confie à un ministre du nouveau gouvernement Temaru. C'est un véritable coup de théâtre. Ouais. Et le fait que Temaru vienne de renverser Flosse ne doit pas être étranger à ce soudain désir de se confesser. Oh, c'est évident. Ouais, alors, qui est cet homme ? C'est un ancien membre du GIP qui est de surcroît le fils du numéro 2 de l'organisation. Ouais. Alors, rappelez-moi, en quoi consiste cette confession-là, un ministre ? VTA Guillou affirme avoir été le témoin oculaire de la disparition de JPK. Il donne même le nom de deux membres du GIP qui, sur ordre de leur chef, un certain Rere Puputoki, auraient enlevé le journaliste. Parenthèse, l'un de ces hommes est celui qui frappera le directeur de l'équipement devant une caméra de télévision. Ah, c'est violent, donc. Hein. Ouais. Absolument. Ensuite, les deux hommes de main auraient transporté JPK à bord d'une baleinière. Là, après l'avoir attaché à une corde et lesté ses pieds de parpaing, il l'aurait plongé dans la mer à plusieurs reprises. Quoi, c'est une forme de torture ? Oui, car ses deux gros bras voulaient le faire parler. Mais une dernière plongée aurait été fatale au journaliste. Ouais. Eh ben, c'est une sorte de variante du supplice de la baignoire. Tout à fait. Ouais. Mais si ce VTA Guillou dit vrai, il ne s'agirait pas vraiment d'un assassinat ? Ce qui n'enlève rien à la cruauté de ce pseudo-accident de torture, quoi qu'il en soit. Écoutez la suite. Ce témoin, donc, après s'être caché quelque temps, couche sa confession par écrit, puis se décide à se rendre chez les gendarmes. Confronté aux deux hommes qui l'accusent, il maintient ses déclarations. Mais petit à petit, il va flancher. Dans un premier temps, il affirme que c'est au cours d'une beuverie que ses deux collègues se seraient vantés d'avoir tué JPK. Ah oui, c'est plus un témoin oculaire. Ouais, puis il finit par se rétracter complètement après une très longue garde à vue. Alors, que s'est-il passé ? Bah, écoutez, j'étais pas dans la pièce où on l'a interrogé, mais je suis persuadé que ce pauvre VTA, qui n'était pas un garçon bien solide, a été menacé. Quoi ? Parce qu'il avait trahi ? Je ne suis pas sûr que le parquet était tout à fait innocent dans cette histoire. Est-ce ce procureur-là qui avait été nommé pour protéger Gaston Flosse ? Oui, et d'ailleurs la suite va vous prouver que dans cette affaire, le parquet a joué un rôle de premier plan. En effet, La garde à vue de VT à Guillou est à peine terminée que le jeune homme est incarcéré pour dénonciation calomnieuse. Puis jugé en comparution immédiate, il écope de 12 mois de prison, dont 3 fermes. Ça paraît très exagéré. C'est même supérieur à la peine prévue par le code pénal. C'est pourquoi je vous ai dit que le parquet avait certainement exercé des pressions sur le tribunal, comme il avait auparavant fortement encouragé les gendarmes à obtenir la rétractation de Guillou. En témoigne une lettre de félicitations du procureur à ces mêmes gendarmes. Pour la rétractation, ouais. Mais j'imagine que VT à Guillou fait appel de cette lourde condamnation. Bien sûr. Et un mois après, il est remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Toutefois, le tribunal ordonne une expertise psychiatrique. À l'évidence, il s'agit d'introduire un doute sur la santé mentale de cet ex-membre du GIP. Et le procès en appel, alors ? Bon, il a été étrange. Le président du tribunal a systématiquement écarté toute allusion à la disparition de JPK et aux méthodes policières du GIP. Ouais, parce que VT a été revenu sur sa rétractation lors de sa garde à vue. Tout à fait. Ouais. Non, ce qui intéressait le magistrat, c'était la dénonciation calomnieuse et les conditions dans lesquelles VT avait été amené à se confier à un ministre de Temaru. Et pour le tribunal, il était clair que l'accusé avait été instrumentalisé à des fins politiques. Oui, pour nuire à Gaston Flosse. Et à son enfant chéri, le GIP. Alors, conclusion de ce deuxième procès. VT à Guillou a été à nouveau condamné. Toujours 12 mois, mais 11 avec sursis. Cependant, la défense a obtenu le dépaysement de l'affaire et en métropole. Non seulement la cour d'appel désavoue le tribunal tahitien, mais elle ordonne l'ouverture d'un supplément d'informations sur la disparition de JPK. En tout cas, je crois vous avoir convaincu que l'essentiel pour les magistrats de Papeete était de faire de VTA un affabulateur et même un simple d'esprit. Et surtout, il ne fallait pas ressortir l'affaire JPK des dossiers où elle dormait. Et le procureur général a estimé que l'épisode n'apportait aucun élément nouveau susceptible d'ouvrir une nouvelle enquête sur la disparition du journaliste. Entre-temps, il faut dire que Gaston Flosse, à l'occasion d'une nouvelle motion de censure et après avoir retourné un partisan d'Oscar Temaru, avait réussi à récupérer sa présidence. Sa présidence. Ouais, ouais, il ne supportait pas de voir son rival occuper son palais, d'avoir à sa disposition ses voitures de luxe ou de voyager à bord de son avion. Mais vous le savez, le retour de Flosse sera bref et Temaru sera à nouveau élu. Mais Gaston Flosse profite quand même de cet entracte pour embaucher 145 nouveaux membres du GIP. Mm-hmm. 145, pas n'importe quoi. Mais pour en revenir à JPK, là, et malgré le refus du procureur de rouvrir le dossier, est-ce que l'affaire VT à Guillou redonne espoir à la famille Kourou ? Naturellement, car en dépit des rétractations successives de ce témoin, c'est quand même la première fois qu'on donne une version plausible de la disparition du journaliste. Et chez les Kourou, on se dit que VTA n'a pas pu tout inventer. Et puis, il y a aussi d'autres indices. Un reporter de RFO qui suit l'affaire reçoit des menaces téléphoniques. Si tu continues à parler de JPK, tu finiras comme lui. Et comme il n'obtempère pas, dès le lendemain soir, il est roué de coups. Ah oui, ça c'est en effet assez clair. Hein. Alors exaspéré par l'attitude du parquet, fin 2004, les Kourou écrivent d'abord une lettre ouverte au garde des Sceaux. Puis ils se décident à déposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile. Mais cette fois, c'est une plainte pour assassinat et complicité. Alors, il se réfère donc explicitement là, aux accusations de VTA. Hein. Et enfin, Philippe, l'un des frères de JPK, ingénieur agricole de son état, crée un comité de soutien pour la vérité sur la mort du journaliste. Ouais. Mais est-ce que tout cela fait bouger les lignes ? Oui. Début 2005, le juge d'instruction qui avait renoncé à tout nouvel acte judiciaire dans l'affaire JPK se soumet à l'injonction de la Cour d'appel de Paris et délivre des commissions rogatoires aux gendarmes. C'est ainsi qu'on va découvrir une partie de la vérité sur les activités clandestines du GIP. Et surtout, les enquêteurs apprennent que JPK était justement surveillé et filé par la cellule de renseignement du GIP. C'est aussi à ce moment que Gaston Flosse, s'estimant mis en cause par TF1 dans la disparition du journaliste, proteste vivement auprès du CSA. Ouais. C'est que pour lui, le sujet doit être très sensible. Et il n'a guère goûté les révélations sur son GIP, mais il ne sait pas encore que les langues vont se délier et que les révélations vont se succéder. We'll be right back. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, tous les samedis à 13h20 sur France Inter. Au printemps 2006, Oscar Temaru, étant revenu au pouvoir, la Chambre territoriale des comptes essaie de faire le point sur les dépenses somptuaires ordonnées par Gaston Flosse. Ainsi, voici ce que je lis dans le journal Le Monde du 31 mars 2006. En 2003, M. Chirac, en tournée dans le Pacifique Sud, vient rendre visite à son ami Gaston. Un nouveau bungalow est construit et des aménagements haut de gamme sont effectués à Tupai. La longueur de la piste d'atterrissage est portée de 730 mètres à 900 mètres grâce à un remblai sur la mer et sa largeur de 12 mètres à 23 mètres. Il faut creuser une des passes existantes pour l'acheminement des matériels. Le montant total des investissements représente 13,4 millions d'euros. Au dernier moment, M. Chirac renonce à séjourner à Dubaï. Depuis, la Chambre des comptes évalue à une quinzaine de jours par an la fréquentation de ces installations. La Chambre avoue, par ailleurs, avoir eu du mal à cerner certaines dépenses d'équipement. Elle évalue à 35,6 millions d'euros la construction et l'équipement du palais présidentiel, relève l'achat et l'aménagement d'un avion ATR-42-500 pour 13,9 millions d'euros, ou encore les quelques 830 000 euros consacrés à l'achat de véhicules entre 2001 et 2004. Cette année-là, le parc automobile de la présidence était composé de quelque 70 véhicules, dont plusieurs voitures de luxe et d'une centaine de deux roues. 37 automobiles possédaient une double immatriculation, permettant leur utilisation familiale et pas seulement professionnelle. Pour établir la liste des services de la présidence, la Chambre territoriale des comptes a procédé par recoupement. En janvier 2004, elle dénombrait 626 agents de cabinet, un pour 400 administrés, et 768 agents des services rattachés, dont 617 pour le groupement d'intervention de la Polynésie française, GIP, sorte de police territoriale recrutée en dehors de tout contrôle. Le recrutement est discrétionnaire. Les charges de personnel du cabinet progressent de quelque 20% par an. Le montant des crédits ouverts a augmenté de 400% en 10 ans, pendant que les salaires polynésiens progressaient de 47%. C'est ainsi constitué ce que la Chambre qualifie de fonction publique parallèle. Alors, disiez-vous, les langues commencent à se délier. Prudemment, n'est-ce pas? Parce que ces nouveaux témoins redoutent d'avoir affaire au GIP. Car même dissous, il fait toujours peur. La première confidence faite par un ancien cadre important du GIP est en tout cas très troublante. Elle est recueillie par un journaliste du mensuel Tahiti Pacifique. Et que dit cet ex-responsable, alors? Il raconte, confirmant en partie l'un des récits de VTA Guillou, que c'est bien au cours d'une soirée très arrosée qu'un membre du GIP se serait vanté d'avoir participé au meurtre de JPK. D'après lui, ils auraient été cinq. Mais depuis, deux d'entre eux seraient morts dans d'étranges circonstances. Qu'est-ce qui signifie Le premier. Un sportif de 30 ans se serait noyé dans une rivière à peine profonde de 20 cm. Quant au deuxième, un costaud de 35 ans, il serait mort d'une crise cardiaque sur un chantier où il travaillait. Et cet ex-responsable, donne-t-il le nom de ces hommes qui ont subitement disparu? Ils livrent en tout cas leurs initiales. Puis c'est les Kourous eux-mêmes qui vont recueillir de nouveaux et précieux témoignages. Alors, voyons ça de plus près. C'est d'abord un homme qui vient, en octobre 2006, spontanément voir l'un des frères Kourous. Et pourquoi? Parce que, dit-il, il connaissait bien JPK qui lui avait rendu des services. Bon, ce type, appelons-le Y. Il a appartenu lui aussi au GIP. Et il raconte avoir assisté à l'enlèvement de JPK l'après-midi précédant sa disparition. Il affirme que le journaliste a subi un véritable interrogatoire et que, préalablement, ses dossiers lui ont été volés. Et comment sait-il tout ça, celui-là? Il se trouvait par hasard avec un collègue dans les parages de la maison de JPK. Et ensuite, mu par la curiosité, il a suivi le fourgon qui emportait le journaliste. Et toujours accompagné par son collègue, il a assisté de loin à l'interrogatoire, juché sur un toit. Mais ils ont été découverts et il s'en est suivi un tabassage en règle. Mais pourtant, ils étaient tous deux membres du GIP, si je vous ai bien entendu. Certes, là, hein. Mais au GIP, on n'aimait guère les espions. D'ailleurs, ces deux personnages ne vont pas tarder à être virés. C'est quand même un peu rocambolesque, non ? Et la suite ? Ce même Y déclare qu'il a reçu les confidences du chef mécanicien du bateau sur lequel JPK a été embarqué. Dans la soirée, donc ? C'est ça. Et ce marin lui a à peu près confirmé la version de VTA Guillou. Quoi, les parpaings, la corde et le largage du corps en pleine mer, oui. Et ce type, est-il d'accord pour témoigner devant le juge d'instruction ? Oui. Mais dès le lendemain, Y reçoit la visite de quelques gros bras de l'ex-GIP. On a donc appris, quelque part, qu'il avait parlé. Hein ? Certainement. Mm-hmm. Et il va se fermer comme une huître, et même, enfin conduit devant le juge, Y se rétracte purement et simplement. Quoi, il a peur ? C'est évident. Mais heureusement, d'autres témoignages vont aller dans le même sens. Et les mêmes noms apparaissent. Ceux des tueurs supposés de JPK. Et surtout, le scénario de la baleinière où le journaliste aurait été embarqué devient de plus en plus crédible. Il apparaît même, et c'est troublant, que les ex-membres du GIP, qui ont été mêlés à la disparition de JPK, continuent d'être payés. Alors que le GIP a été dissous par Temaru. Ben, ils se trouvent donc de généreux donateurs pour assurer leur solde. Et acheter leur silence. C'est vraisemblable. Ouais. Quant au juge d'instruction, harcelé à la fois par le parquet et la famille Kourou, il tente de se débarrasser du dossier en demandant son dépaysement. Demande qui sera finalement rejetée, mais qui lui a permis de jouir de quelques mois de répit. Oui. Alors, actuellement, où en est-on ? Ben, le juge a envoyé à la famille cet été un avis de clôture de l'instruction. La patate devenait en effet de plus en plus chaude, mais la famille dispose de 3 mois pour demander des investigations complémentaires. Mais à votre avis, alors, le juge va se plier à la demande de la famille ? Pas certain, parce qu'il n'a guère envie de procéder à de nouvelles confrontations. Donc la loi du silence va continuer à l'emporter. À moins qu'à la suite des dernières élections à la présidence du territoire, qui ont vu un rapprochement inattendu entre Temaru et Gaston Flos, quelque chose se produise. Mais ça me semble peu probable. Ouais. Reste quand même la question essentielle. Pourquoi s'en est-on pris à Jean-Pascal Kourou ? Que savait-il exactement ? Et quel dossier détenait-il, hein ? JPK était un fouineur. Et il était bien décidé à faire tomber Gaston Flos un jour ou l'autre. Aussi s'intéressait-il à toutes les affaires où apparaissait le nom du président du territoire. Et elles étaient nombreuses, m'avez-vous dit. Hein ? En effet. Recel d'abus de biens sociaux, ingérence, trafic d'influence, emploi fictif. Gaston Flos a fait l'objet de plusieurs plaintes. Il lui est même arrivé d'être condamné. Mais à chaque fois, en appel, il a bénéficié de non-lieu. Ça a l'air de vous étonner. Oui, il y avait certainement de bons avocats. Ou de très bons parrains, enfin passons. Une affaire, entre autres, a suscité une vive curiosité de la part de JPK. Celle de l'hôtel Taïra, un établissement appartenant au fils de Gaston Flos, Réginald. Bon, je n'entre pas dans les détails parce que c'est assez compliqué. Toujours est-il que grâce à papa et une législation faite sur mesure, destinée en principe à protéger la propriété foncière de la Polynésie française, Réginald obtient un très important prêt de 3 millions d'euros. Officiellement, il s'agit de financer la distribution des acomptes sur dividendes. Enfin, j'y connais pas grand-chose, mais jusque-là, je ne vois là rien de répréhensible. Ah bah, sauf que ces 3 millions atterrissent bientôt sur un compte ouvert dans une banque japonaise. Ah, ils ne sont donc pas destinés à ce financement des acomptes, là. Pas du tout. Il y a là une sorte de détournement d'objets. Et le trop curieux JPK s'intéresse à cette banque japonaise, la Tokyo Sowa Bank. Une banque présidée par un homme à la réputation sulfureuse, Soichi Osada. Attendez, c'est ce banquier-là dont on a récemment parlé à propos du prétendu comte japonais de Chirac ? Lui-même. Un homme qui se vantait d'être un ami de notre ancien président. Ce dernier l'a même reçu à l'Elysée et décoré. D'accord, mais depuis, Osada a fait une faillite frauduleuse. C'est exact. Alors JPK, enquêtant sur le compte japonais de la famille Flos... Je vous arrête là. Gaston Flos a encore récemment nié posséder un compte bancaire au Japon. Hein. C'est exact. Et pour être tout à fait précis, il a aussi nié avoir joué un rôle quelconque dans d'éventuels transferts financiers au Japon au profit de Jacques Chirac. Alors, laissez-moi poursuivre. Au cours de ses investigations sur l'argent de ce prêt consenti au fils Flos et placé au Japon, a-t-il découvert autre chose ? Et c'est la question que je me pose. Et vous répondez par l'affirmative. Soyez franc, là. JPK avait mis la main sur une affaire explosive. Mais comment JPK avait-il accès à ces informations particulièrement sensibles ? D'abord, je vous l'ai dit, c'était un enquêteur pugnace et un excellent journaliste. Ensuite, il a eu accès à une source importante. Un ancien magistrat et avocat, qui avait été directeur de cabinet de Gaston Flosse, avait accumulé des documents, ou plutôt des photocopies de documents. C'est simple. Dès qu'un papier lui passait entre les mains, il le photocopiait, à tel point qu'on l'avait surnommé le Paganini de la photocopieuse. Ah, c'est rigolo, ça. Et JPK avait mis la main sur ces papiers, là ? Je crois plutôt que c'est ce magistrat qui les lui avait confiés, sans doute parce qu'il n'approuvait pas les dérives du pouvoir. Et je peux ajouter que cet homme, après avoir été lui-même cambriolé, avait mis en garde JPK. Attention, terrain miné. Oui, mais le journaliste n'a pas tenu compte de cet avertissement. Et il est advenu ce que vous savez. De Paris, vraisemblablement, on a demandé à des hommes du GIP de tout faire pour s'emparer des dossiers du journaliste et de lui faire avouer exactement tout ce qu'il savait sur ces affaires japonaises. Mais les gorilles du GIP sont allés trop loin. Maladresse. C'est possible. À moins que les tortionnaires n'aient eu peur que JPK parle et les dénonce. Un dernier mot, là. Vous avez dit, à Paris, on a demandé à des hommes du GIP. Mais qui plus précisément ? Vous ne pensez quand même pas que je vais vous donner un nom, mais comme je sais que vous avez une très grande imagination, libre à vous de la laisser courir. Jacques Chirac, on le sait, aime beaucoup le Japon. Il y est même allé une cinquantaine de fois. Et Séverine Tessier, créatrice avec le juge Alphen d'une association contre la corruption des élus et auteur d'un ouvrage « Polynésie, les copains d'abord », peut écrire ceci. À Tahiti, on se souvient encore d'un voyage de Gaston Flosse, accompagné d'hommes d'affaires du territoire, notamment Madame Anatila Breo, groupe d'intérêt économique Perle de Tahiti, Messieurs Robert Wan, Tahiti Perle, Patrick Galnon, Air Tahiti, J.P. Fourcade, Perles et Industries, Jean-Jacques Teboul, groupe Accor, et Réginald Flosse, fils du président et PDG du Yacht Regency de Tahiti, au cours duquel la délégation tahitienne a été introduite à tous les niveaux du gouvernement. Le président Chirac a félicité son ami Gaston Flosse et vanté les mérites de la Polynésie française lors de la réception donnée pour la communauté française du Japon. Il a même participé à la soirée de Tahiti organisée par les GIE Tahiti Tourisme et Perles de Tahiti. Fort de ce sponsoring et de l'introduction de la Polynésie française dans la cour des grands, dixit M. Flosse, la délégation de Tahiti a tenu des réunions avec des ministres du gouvernement japonais ainsi qu'avec de nombreux industriels et investisseurs potentiels japonais et coréens concernant des projets d'investissement hôtelier et d'exportation de produits polynésiens. Les journalistes de RFO, Radio France Outre-mer, nous diront que durant ce déplacement, ils ont été priés de ne jamais montrer le film. Question. Que fallait-il donc cacher ? Ces rapports entre le Japon et la Polynésie étaient-ils donc si délicats ? Je note simplement que le commerce des perles semblait au centre de ces relations. Un commerce très lucratif, surtout lorsqu'il échappe, par exemple, au contrôle douanier. Vous trouverez les références du livre de Séverine Tessier sur notre site franceinter.com, un site qui vous permettra aussi de communiquer avec nous. Et merci à Michel Billoux, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub, et à samedi prochain.